Avec le tout-puissant Okedja. Okedja. Okedja. Du grand maître Luambo Magiane. Exactement. Yeah! Attaqué! Proclaim a mi somo coe, manga manguanae. Bamba, eh, Odongo,